Chapitre 6. Une déception, la persévérance. Il n'est guère d'obstacle qu'on ne puisse surmonter avec de la persévérance. Une déception attendait nos jeunes amis à leur arrivée dans la maison isolée du garde Fritz, située aux environs de la forêt. Fritz, grand vieillard à barbe grise, d'une figure énergique, était étendu sur son lit qu'il n'avait pas quitté depuis plusieurs jours. Le vieux chasseur était tombé en descendant la montagne et s'était fait une fracture à la jambe. « Voyez, mes enfants, dit-il après avoir lu la lettre, je ne puis bouger dans mon lit. Comment pourrais-je vous conduire? Je n'ai auprès de moi que ma vieille servante, qui ne marche pas beaucoup mieux que moi. » André fut consterné, mais il n'en voulut rien faire voir pour ne point inquiéter le petit Julien. Toute la nuit, il dormit peu. Le matin, de bonne heure, avant même que Julien s'éveillât, il s'était levé pour réfléchir. Il se dirigea sans bruit vers le jardin du garde, voulant examiner le pays qu'il n'avait vu que le soir à la brune. Assis sur un banc au bord de la Sarre, qui coule le long du jardin entre deux haies de bouleaux et de saules, André se tourna vers le sud, et il regarda l'horizon borné par les prolongements de la chaîne des Vosges. « C'est là, se dit-il, que se trouve la France, là que je dois, la nuit prochaine, emmener mon petit Julien. » Là qu'il faut que je découvre sans aucun secours un sentier assez peu fréquenté pour n'y rencontrer personne et passer librement la frontière. Mon Dieu, comment ferais-je? Et il continuait de regarder avec tristesse les montagnes qui le séparaient de la France et qui se dressaient devant lui comme une muraille infranchissable. Des pensées de découragement lui venaient, mais André était persévérant. Au lieu de se laisser accabler par les difficultés qui se présentaient, il ne songea qu'à les combattre. Tout à coup, il se souvint avoir vu dans la chambre du garde forestier une grande carte du département, pendue à la muraille. C'était une de ces belles cartes dessinées par l'état-major de l'armée française, et où se trouve indiqué jusqu'au plus petit chemin. « Je vais toujours l'étudier, se dit André. À quoi me servirait d'avoir été jusqu'à 13 ans le meilleur élève de l'école de Phalsbourg si je ne parvenais pas à me reconnaître à l'aide d'une carte? Allons, du courage. N'ai-je pas promis à mon père d'en avoir ? Je dois passer la frontière et je la passerai. » Carte de la Lorraine et de l'Alsace et chaîne des Vosges. La Lorraine, séparée de l'Alsace par la chaîne des Vosges, est une contrée montueuse, riche en forêts, en lacs, en étangs et en mines de métaux et de sel. Elle a de beaux pâturages. Outre le blé et la vigne, on y cultive le lin, le chanvre, le houblon, qui sert à faire la bière. L'agriculture y est comme l'industrie, très perfectionnée. Une partie de la Lorraine et l'Alsace entière, sauf Belfort, ont été enlevées à la France par l'Allemagne en 1870.